s'effondrer ensemble vers l'écoliberté. Par Jem Bendel. Chapitre 11. La liberté au sein de la nature, une base de réflexion écolibertaire. Pendant quelques années, j'ai assisté au sommet de Davos dans l'espoir de contribuer à promouvoir une action sérieuse sur la crise environnementale. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que s'il y a une chose qui est encore pire que des élites mondiales qui ne prennent pas le changement climatique au sérieux, c'est des élites mondiales qui le font. Les idées et les politiques qui émergent à Davos visent principalement à fournir davantage d'argent public à des entreprises privées qui se soucient peu d'écologie et à créer des infrastructures numériques pour contrôler les vies des gens ordinaires. Ce que les élites mondiales n'envisagent pas, c'est la façon dont leurs propres idées, visions du monde et décisions ont conduit le monde au bord de l'effondrement. Et pourquoi, de ce fait, ils et elles ne sont pas les mieux placés pour décider de la marche à suivre. Ces élites partent aussi du principe que des personnes ordinaires, comme vous et moi, ne peuvent être la source de réponses utiles aux catastrophes qui se déroulent autour de nous. Il leur est inconcevable que nous devions être libérés des systèmes oppressifs qui ont créé et maintenu en place leur propre pouvoir, comme nous l'avons vu au précédent chapitre. Maintenant que je garde mes distances avec Davos, je m'inquiète de l'absence d'une alternative environnementale qui puisse s'organiser et s'exprimer à l'échelle mondiale pour s'opposer aux entreprises. Dans ce chapitre, j'apporterai ma contribution à l'élaboration d'une telle alternative. Je prends pour point de départ ma conviction, née des observations présentées dans ce livre, que nous sommes entrés dans une ère d'effondrement des sociétés de consommation industrielle, et que cela n'est pas le produit inévitable de la nature humaine, mais celui des systèmes oppressifs de la modernité impériale, au service du pouvoir de l'argent. Ces systèmes nous ont persuadés, nous, les humains modernes, de nous considérer d'une manière qui est devenue destructrice pour nous-mêmes en tant qu'individus, pour les autres collectivement et pour la nature. Je présenterai cette philosophie politique en partant des principes de base du libre arbitre et de la liberté, avant de la confronter à d'autres courants de pensée environnementale et de mettre en évidence les implications personnelles et politiques qui peuvent en découler. Ces dernières années, à Davos et à l'occasion d'autres sommets similaires, la plupart des porte-paroles du mouvement environnemental occidental, activistes ou professionnels du secteur, ont encouragé les dirigeants et dirigeantes présentes à transférer encore plus de fonds publics entre des mains privées pour déployer des technologies au mérite écologique douteux. En général, ils et elles quémandent également un peu plus d'argent pour la justice sociale afin de pouvoir prétendre que leur cause est socialement progressiste. Pire encore, certains des principaux commentateurs et certaines des principales commentatrices sur les questions écologiques sont devenus hostiles aux préoccupations portant sur le pouvoir des entreprises, la vie privée, la surveillance numérique et la liberté d'expression. Quand les personnes et les idées qui leur déplaisent se trouvent reléguées en coulisses, voire bannies, ils et elles l'acceptent sans piper mot. Il ne s'agit pas là d'une trahison momentanée de l'esprit des Lumières, qui considère la dissidence par rapport à l'autorité et le débat ouvert comme essentiel à la société. Cela s'inscrit plutôt dans un rejet plus large de l'importance de la souveraineté et de la liberté individuelle. Il est donc important d'y répondre de manière systématique, comme je le fais ici et dans les chapitres suivants. Pour simplifier à l'extrême des siècles de philosophie et de lutte politique, mon impression est qu'à partir des Lumières, les sociétés humaines ont pris bien plus au sérieux l'importance morale et politique de l'autodétermination sur les plans personnels et collectifs, et de la possibilité d'échapper au contrôle des puissants et puissantes. Tout cela a constitué une trajectoire globalement positive. Cette pensée s'est appuyée sur l'idée pragmatique selon laquelle tout pouvoir doit commencer par le pouvoir sur soi-même, et que ce pouvoir ne doit être collectivisé que dans la mesure où cela s'avère nécessaire et avantageux. Par conséquent, selon ce raisonnement, nous méritons tous et toutes la liberté de déterminer notre propre vie, et la liberté de ne pas être instrumentalisé par autrui. Mais comme le montre le chapitre 10, en réalité, le cadre de la modernité impériale ne nous a pas donné cette liberté. En l'absence d'une telle perspective, les écologistes anxieux, anxieuses et endeuillés peuvent tomber dans une vision misanthropique de la nature humaine et désirer qu'un groupe auto-sélectionné de sauveurs et sauveuses se manifeste et nous force à mieux nous comporter, pour notre bien. De telles idées sont en train de surgir de gauche à droite et au centre du débat sur l'écologie, ce qui montre qu'elles découlent d'une illusion culturelle partagée sur les thèmes du leadership et du changement collectif, ainsi que d'une aversion pour les émotions difficiles que suscite l'état du monde. Chapitre 8. Étant donné le terrible bilan des sociétés autoritaires en matière d'écologie, de tels points de vue ne reposent sur aucune philosophie politique cohérente. Nous devenons de plus en plus nombreux et nombreuses à percevoir que notre monde s'écroule autour de nous. Cela entraîne une crise de sens qui ne cesse de s'amplifier et mène certains, certaines à apprécier la simplicité des idées autoritaires. Il est normal que de nombreuses personnes souhaitent éviter le désespoir et la désintégration de leurs vieilles idées sur soi, l'autre, la société, la nature et même le sacré. Mais ces réflexions conduisent certaines d'entre elles à se fourvoyer et à croire que les terribles injustices et les souffrances occasionnées par les crises environnementales ou sanitaires surviennent du fait de la souveraineté et de la liberté personnelle de chacun et chacune. Cette erreur compromet sérieusement nos chances de connaître une ère d'effondrement moins brutale et plus sage. En effet, une telle situation rend moins convaincantes les discussions sur la liberté personnelle qui partent d'un point de départ pragmatique, c'est-à-dire qui vise à établir ce qui est le plus utile de croire afin d'obtenir certains résultats sociaux. En réponse, certains commentateurs et politiciens et certaines commentatrices et politiciennes, habitués au langage religieux dans le cadre de leurs déclarations publiques, affirment que nos libertés individuelles viennent de Dieu. Ce qu'implique ce discours, c'est que les atteintes aux libertés constituent un péché. Par conséquent, d'autres commencent à se demander si l'accent mis sur la liberté et les droits humains ne serait pas aujourd'hui une préoccupation socialement conservatrice, plutôt qu'un principe plus largement partagé, en particulier parmi les personnes plus à gauche dans le champ politique. J'ai l'impression qu'il ne s'agit pas d'un phénomène propre aux États-Unis ou au monde anglophone. Au vu de ce contexte en pleine évolution, je pense qu'il est utile de revenir à des principes de base, comme nous le ferons dans ce chapitre. Mais avons-nous le temps de philosopher quand il y a un monde à sauver? Si nous le faisons pour prouver notre intelligence et notre respectabilité et celle des groupes auxquels nous nous identifions, alors je suis d'accord pour dire que c'est une perte de temps. De tels efforts constituent une forme d'évitement face à la terreur qui sévit parmi les personnes privilégiées anticipant l'effondrement. Toutefois, si nous ne revenons pas à certains principes de base sur la manière dont nous nous comprenons et dont nous comprenons l'humanité en cette période inhabituelle, nos pensées et nos actions risquent de manquer de sagesse et même d'aggraver la situation. C'est pourquoi, dans ce chapitre, nous commençons par revenir aux fondamentaux, avec une perspective sur le libre arbitre qui sous-tend un engagement en faveur de la liberté personnelle et collective. Le libre arbitre. Discutons-en. Avez-vous un certain contrôle sur ce que vous faites? On dirait bien que c'est le cas, n'est-ce pas? Vous n'avez pas été contraint ou contrainte de lire ces mots, en tout cas je l'espère. Dans le cas improbable où quelques professeurs, professeuses feraient de ce livre une lecture obligatoire dans le cadre d'un cours, vous pourriez toujours passer outre. Vous pouvez aussi simplement refermer le livre dès maintenant et faire autre chose. Il semble que chacun, chacune d'entre nous choisisse ses actions en permanence. Mais s'agit-il d'une illusion? C'est ce que de nombreux et nombreuses scientifiques, sociologues, philosophes et guides spirituels nous invitent à considérer, tous et toutes, pour des raisons très différentes. Une grande partie de ce que nous pouvons ou ne pouvons pas percevoir, comprendre ou ne pas comprendre, faire ou ne pas faire, est façonnée par des aspects physiques, chimiques et biologiques de notre être et de notre environnement immédiat. Il est également évident que la façon dont on nous enseigne dès la naissance comment penser et nous comporter a une influence considérable sur nous. Bien que notre expérience ordinaire soit celle d'un individu unique, nous sommes une forme de vie prise dans un flux de vie totalement interconnecté. Et pourtant, nous faisons tous et toutes l'expérience de la vie d'une manière telle que nombre de nos choix ne nous semblent ni instinctifs, ni habituels, ni aléatoires, ni forcés. Il semble y avoir un aspect de notre identité qui est conscient d'une façon non prédéterminée par des circonstances internes ou externes à notre corps. Cela ne signifie pas que cet aspect de notre identité n'est pas influencé par ces circonstances, mais que nous ne sommes pas entièrement contrôlés par elles. Cette question de la nature du libre arbitre est importante pour comprendre la condition humaine et le monde naturel en cette ère d'effondrement, durant laquelle davantage d'entre nous percevront la possibilité d'un effondrement de notre propre vision du monde ou en feront même l'expérience. Dans ce chapitre, je vais décrire une forme de libre arbitre dont j'ai conclu qu'elle existe chez tous les êtres dotés d'un cerveau et qu'elle est essentielle à l'existence et à l'évolution des écosystèmes. Je commencerai par expliquer le type de libre arbitre que je considère comme existant, avant d'aborder certaines des objections scientifiques et spirituelles à une telle perspective. Je mentionnerai ensuite quelques théories pertinentes sur le libre arbitre afin que, si vous vous intéressez à l'histoire de la pensée philosophique, vous puissiez situer mon point de vue dans la vaste littérature sur ce sujet. Je proposerai ensuite quelques idées sur la manière dont cette perspective est liée au concept de l'âme et de la conscience universelle. Je soutiendrai que ce concept de liberté naturelle peut être détaché des notions modernistes de droit individuel. J'expliquerai brièvement comment l'existence du libre arbitre ne signifie pas que l'humanité a collectivement choisi des attitudes et des comportements qui ont entamé la destruction des sociétés et du monde naturel, en me référant aux sociétés prémodernes, chapitre 9. Et à la compulsion d'exploitation et de destruction qui est née de l'influence du pouvoir de l'argent. Chapitre 10. J'aborderai ensuite la prise de conscience croissante du fait que la liberté des êtres vivants n'est possible que dans le cadre d'un monde naturel durable. Après la discussion sur le libre arbitre, j'explorerai la manière dont les environnementalistes dominants se rapportent au libre arbitre et à la liberté personnelle, avant de décrire une philosophie politique que j'appelle écolibertarisme. Bien qu'il soit parfois considéré comme un sophisme logique de se référer à la nature pour justifier nos points de vue sur la société humaine, la plupart des philosophies politiques font allusion à ce qui est, entre guillemets, naturel. Lorsqu'ils sont explicites, ces raisonnements font souvent semblant d'être scientifiques, alors qu'ils ne font qu'isoler un aspect de la nature pour en faire une métaphore de l'être humain et de la société. La façon dont les homards, les abeilles ou les bonobos se comportent dans leurs groupes sociaux diffère énormément. C'est la personne racontant l'histoire qui choisit le comportement, ou l'espèce, sur lequel elle se concentre, pour donner à son argument une assise plus solide que la simple expression de son propre récit du monde, influencé par sa culture. C'est pourquoi je suis très prudent lorsqu'on interprète la nature pour y lire des informations pertinentes pour les humains et les sociétés. Pour exprimer le concept de « liberté individuelle » dans ce chapitre, j'interprète, entre guillemets, la nature sans m'appuyer sur des exemples sélectionnés de la manière décrite ci-dessus. Je me concentre plutôt sur une caractéristique universelle. Je propose également ce concept comme contrepoint à d'autres arguments dérivés de la nature. Bien que certains observateurs et certaines observatrices souhaitent que la nature s'exprime en faveur des hiérarchies, de la concurrence ou de la coopération dans les comportements humains, Nous pouvons également choisir de voir dans la nature un certain soutien au choix, bien humain, de défendre la souveraineté et la liberté personnelle. Certains et certaines considèrent que le libre arbitre décrit la possibilité, pour un être vivant, d'adopter plus d'une ligne de conduite possible dans un ensemble donné de circonstances. Il s'agit d'une approche simple qui considère une apparence d'options diverses avant qu'un choix ne soit fait comme une preuve de l'existence du libre arbitre. Les détracteurs et détractrices de cette position affirment que l'observation de l'action de choisir ne prouve pas que le choix soit « libre », entre guillemets. Cela soulève la question de savoir ce que nous entendons par ce terme de « liberté ». Le terme « libre », dans l'expression « libre arbitre », se réfère-t-il à une action entièrement indépendante des propriétés physiques, chimiques et biologiques d'un être vivant, ainsi que de son contexte environnemental et social? Il s'agirait alors d'une notion inutilement séparative qui, par définition, rendrait l'analyse impossible. De plus, cela reviendrait à ignorer qu'il ne peut y avoir de liberté que par rapport à des contraintes physiques. Il n'y a pas de liberté absolue. Par exemple, nous ne pouvons pas être à deux endroits à la fois. De même, nous n'existons pas séparément du monde physique, même si cela ne signifie pas nécessairement que nos pensées et nos comportements soient déterminés entièrement par le monde physique. Plutôt que d'utiliser des caractérisations impossibles de la volonté ou de la liberté, le libre arbitre peut être compris comme décrivant la façon dont un être vivant a une certaine volition ou volonté, qui n'est pas entièrement le résultat des divers facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux qui l'influencent. Ce phénomène a été qualifié de libre arbitre relatif par de nombreux et nombreuses philosophes qui se sont penchés sur cette question. Croire en l'existence d'un libre arbitre relatif signifie que nous discernons l'existence d'une conscience associée à un être vivant qui dispose d'une volition autonome, plutôt que d'être un simple épiphénomène d'une matière complexe fonctionnant de manière mécaniste. Une telle perspective sur le libre arbitre ne nie pas qu'une grande partie du processus de perception et de choix est influencée par des facteurs prédéterminés, ou même que la majorité ou les parties les plus importantes de ce processus de perception et de choix peuvent être prédéterminées. Il s'agit plutôt d'affirmer qu'une partie, n'importe quelle partie, du processus de perception et de choix n'est pas contrôlée par des facteurs prédéterminés, ni qu'elle est entièrement aléatoire. Divers noms ont été donnés à ce concept théorique de l'être, et pour l'instant, je le décrirai comme l'aspect non entièrement déterminé de la conscience individuelle. Je ne donne pas à cet aspect de l'être une autre étiquette pour l'instant, âme, soi, atman, etc., car je ne souscris pas beaucoup aux idées que ces étiquettes impliquent. Nous examinerons dans un instant quelques-unes des perspectives religieuses sur la nature de cet aspect agentiel de notre être. Cependant, étant donné l'influence de la science dans nos sociétés modernes, examinons d'abord les objections qu'opposent fréquemment les scientifiques à cette approche. Objection venue des sciences naturelles. Il peut sembler raisonnable d'affirmer que l'aspect non entièrement déterminé de la conscience individuelle est un phénomène réel, d'autant plus qu'il correspond à notre expérience individuelle. Cependant, les personnes formées aux méthodes des sciences naturelles remettront toujours en question le fait de s'appuyer sur des expériences individuelles pour décrire la réalité. Selon la méthodologie de ces sciences, nous devons nous concentrer collectivement sur ce dont l'existence peut être prouvée. L'accent est mis sur les phénomènes mesurables comme moyen de preuve. Un ou une scientifique prenant la perspective du positivisme logique pourrait faire remarquer que s'il n'y a aucun moyen pour nous de prouver ou d'infirmer une affirmation, qu'il s'agisse de l'existence du libre arbitre ou de la présence de faits invisibles vivant au fond du jardin, il est inutile de discuter de la question de savoir si cette affirmation décrit notre réalité commune. Le positivisme logique est aussi connu sous les termes d'empirisme logique, de néopositivisme ou d'empirisme rationnel. Il s'agit d'un mouvement philosophique né dans les années 1920 autour du cercle de Vienne. L'un de ses principes fondateurs était que seules les affirmations qu'il est possible de vérifier par l'observation directe ou la preuve logique ont la moindre utilité pour décrire la réalité. L'application de ce parti pris méthodologique issu du siècle des Lumières et qui constitue l'un des avantages intellectuels de la modernité a permis de faire progresser considérablement les connaissances humaines. Cependant, l'exemple que je viens de donner ne tient pas compte du fait que l'une de ces affirmations correspond à des expériences faisant l'objet de nombreux témoignages et que beaucoup ont tenté d'expliquer de diverses manières depuis des millénaires. Je ne parle pas des faits. Reléguer une telle expérience à la même catégorie que la superstition ou la fantaisie insolite, c'est non seulement ignorer à quel point cette expérience est répandue, mais c'est aussi exprimer une pureté méthodologique qui entrave la curiosité et la possibilité de compréhension. C'est ce que je considère comme un signe de modernité poussée à l'extrême ou de surmodernité qui rend une perspective déséquilibrée, contre-productive et parfois même illogique. La difficulté à laquelle se heurtent les recherches scientifiques normales sur l'existence ou non d'un libre arbitre chez les êtres vivants est que la conscience est le résultat de relations infiniment complexes. Par conséquent, une approche réductrice qui cherche à isoler les variables entre lesquelles des corrélations peuvent être trouvées afin de construire une théorie sur ce qui existe ne peut jamais décrire que les influences mécaniques sur les choix d'un être vivant plutôt que ce qui pourrait se trouver au-delà le champ de ces influences. Parce qu'il est impossible d'exclure toutes les autres influences qui peuvent peser sur notre perception et nos choix, le libre arbitre ne peut être testé facilement avec des méthodes expérimentales. C'est l'une des raisons pour lesquelles les neurosciences sont limitées dans ce qu'elles peuvent nous apprendre sur le libre arbitre. Par exemple, selon un récit très répandu à propos d'expériences neuroscientifiques, le signal neurologique amenant une personne à bouger son bras aurait été envoyé avant même que cette personne ne soit consciente qu'elle a envoyé le signal au bras. De tels résultats pourraient indiquer que certains aspects de la pensée, mind, pourraient résider dans l'être vivant au-delà du cerveau, plutôt que de prouver que tout ce qui se passe en nous est mécaniquement prédéterminé depuis l'aube des temps. Quoi qu'il en soit, ces études se sont révélées erronées par la suite, et la raison de leur popularité est l'absence d'autres études permettant d'étayer expérimentalement l'idée que nous ne décidons pas de nos pensées et de nos actions, même lorsque nous pensons le faire. Si vous vous intéressez à la philosophie, vous avez peut-être déjà constaté que mon point de vue est similaire à la position philosophique des libertaires métaphysiques, qui, contrairement aux déterministes, soutiennent que les êtres humains ont leur libre arbitre, ce qui signifie qu'au moins certains aspects de toute personne sont libres des diverses influences qui s'exercent sur nous, telles que celles de la culture et du capital examinées au chapitre 8 et 10. Une telle perspective invite naturellement à se demander quels aspects de nous-mêmes sont libres de ces influences. Des philosophes ont proposé certaines réponses à cette question, en s'appuyant sur des théories venues de la physique et d'autres domaines de recherche. Les explications basées sur des théories physiques rejettent le déterminisme physique, arguant qu'au moins certains aspects du monde physique sont indéterminés et ne peuvent être expliqués uniquement par des causes physiques. Cet argument philosophique découle d'une idée clé de la physique quantique, à savoir que le comportement des particules subatomiques est intrinsèquement imprévisible et incertain. Des expériences telles que celles, célèbres où des particules subatomiques sont tirées sur des fentes pour créer un schéma d'interférence, comme si elles avaient voyagé en tant que partie d'une onde avec d'autres particules, peuvent être considérées comme démontrant l'indétermination de la réalité au niveau subatomique. En effet, le comportement des particules peut être décrit par des probabilités concernant la façon dont la réalité matérielle peut apparaître, qui peuvent être influencées par le contexte spatial et temporel, et même par les observateurs et observatrices. Par conséquent, certains et certaines libertaires métaphysiques considèrent la conscience comme un épiphénomène découlant de la matière, mais l'indétermination au sein du monde physique permettrait néanmoins au libre arbitre d'exister potentiellement. D'autres libertaires métaphysiques considèrent que ce point de vue, selon lequel la conscience émerge simplement de la matière, ne donne pas une idée suffisante de la chose, entre guillemets, en nous qui perçoit et choisit. Au contraire, les théories non physiques de cette école de pensée considèrent que les événements qui se produisent dans notre cerveau, et même dans notre corps, n'ont pas des explications entièrement physiques. Elles avancent l'idée qu'une forme non physique, d'esprit, de force ou d'âme interagit avec le monde physique. Cela montre qu'il est impossible d'explorer la question du libre arbitre sans se poser rapidement des questions métaphysiques sur la nature de l'âme, de l'esprit et du divin. Différentes perspectives spirituelles sur le libre arbitre. Certains sujets, comme la question de la prédestination, ne peuvent pas être explorés de manière satisfaisante par la seule voie conceptuelle et linguistique. Diverses traditions de sagesse ancienne, ainsi que des récits contemporains de personnes faisant l'expérience d'états de conscience non ordinaires, font état de formes de connaissances sur ces questions qui dépassent le concept et le langage. Cette connaissance implique de transcender les binômes du destin et de l'agentivité, ainsi que les présupposés qu'on peut avoir concernant la source même du destin ou de l'action. Qu'il s'agisse d'écritures anciennes ou de récits contemporains, essayer de traduire cette connaissance expérientielle en concepts et en langage conduit à une distorsion, à tenter de verbaliser ce qui est ineffable. En reconnaissant le caractère inévitable de ces distorsions, nous pouvons être attentifs et attentives à notre attirance ou notre aversion émotionnelle pour les récits métaphysiques et se rapportant à l'ineffable, ainsi qu'aux implications potentielles de ces récits. C'est pourquoi des méthodes telles que le deep relating sont importantes, car elles nous aident à porter attention à nos envies et nos aversions intérieures en relation avec des pensées et des sentiments sur des sujets tels que le libre arbitre, la liberté, ou encore le bien et le mal, afin que nous ne soyons pas compulsivement guidés par ses envies et ses aversions. Je propose ces réflexions en guise de prologue à une discussion sur ce que les traditions spirituelles peuvent nous enseigner en ce qui concerne la question du libre arbitre. En effet, les religions sont toutes confrontées à la difficulté de verbaliser l'ineffable et communiquent toutefois de profonds enseignements. Mais les différentes traditions spirituelles diffèrent grandement dans leur vision de l'existence ou non du libre arbitre. Les religions abrahamiques, judaïsme, christianisme et islam, ont en commun de considérer l'être humain comme doté d'une intelligence distincte et d'une capacité de décision qui en font un être moralement responsable, qui peut pécher, être pardonné et trouver le salut. Ce postulat s'est mêlé à la modernité pour amener de nombreuses personnes à penser qu'elles sont des âmes autonomes, dont la capacité à diriger leur vie est plus puissante que les influences biologiques et sociales qui les affectent. Lorsque j'ai présenté la sagesse critique au chapitre 8, nous avons vu comment la confiance dans l'autonomie de la pensée et de l'action est, ironiquement, un obstacle majeur à la sagesse critique. Une idée cruciale, négligée par la plupart des philosophes et intellectuels occidentaux et occidentales, est la perspective différente sur la conscience qu'on retrouve dans les philosophies védiques. Dans ces dernières, la conscience est considérée comme antérieure à la matière et à l'énergie et présente dans toute matière et énergie. Par conséquent, la conscience dont les êtres vivants font l'expérience n'est pas un épiphénomène produit par la matière s'organisant de manière de plus en plus complexe, jusqu'à enfin créer des cerveaux. On pourrait plutôt voir les cerveaux, et d'autres aspects des êtres vivants, comme des radios à transistors qui ne captent que certaines fréquences du champ électromagnétique et qui émettent ensuite leurs propres signaux au sein de ce même champ. Dans cette analogie, la conscience présente dans le champ électromagnétique est en communication constante avec les radios et est influencée par elles. Certaines interprétations des philosophies védiques soutiennent qu'il n'y a pas de libre arbitre du tout, par exemple Advaita Vedanta. Cette perspective peut découler d'une idée non dualiste selon laquelle l'existence tout entière est une seule et même entité indivisible composée de ce que nous avons étiqueté séparément comme étant la matière et l'esprit. Certaines personnes considèrent que, puisqu'il n'existe qu'une seule conscience universelle, rien ne peut être fait qui n'ait déjà été décidé par cet esprit unique. J'avais cette perspective à l'esprit pendant quelques années, alors que j'approfondissais ma propre compréhension et ma pratique du bouddhisme. J'ai commencé à me demander si ces points de vue ne reposaient pas sur l'hypothèse infondée que l'unité sous-jacente de toute conscience exclut la possibilité de centres d'action multiples en son sein. En d'autres termes, je me demandais s'ils appliquaient un concept unitaire ou hiérarchique à la notion d'esprit unique. Au contraire, dans la vie, nous sommes témoins d'une diversité de conscience, même si nous faisons parfois l'expérience d'états non ordinaires qui donnent l'impression d'une seule et même conscience. J'en ai conclu que nous pouvions percevoir la conscience universelle comme contenant une infinité de centres de conscience qui sont en relation dynamique constante les uns avec les autres, plutôt que signifiant l'existence d'un seul centre d'agentivité. Le déploiement de l'existence, dans son processus tout entier, peut être perçu comme co-créé par cette multiplicité infinie d'expressions de la conscience. Cette conscience polycentrique unique permet d'autres multiplicités en créant des expériences de conscience individualisées au travers des êtres vivants. Dans une telle perspective sur la non-dualité, on peut considérer qu'il existe un libre arbitre relatif chez les êtres vivants. Après avoir discuté de cette perspective avec des anciens et anciennes incarnant la sagesse de diverses traditions, j'ai découvert des similitudes dans ces traditions avec mes pensées naissantes sur ces questions. Par exemple, je m'étais trompée sur la notion bouddhiste de la non-existence d'un soi, self. Au contraire, le bouddhisme nous apprend que nous existons d'une autre manière que celle que nous percevons avec notre esprit égoïque. Ce que le bouddhisme nous invite à considérer, c'est plutôt qu'il existe deux types de soi en chacun de nous. Il y a un soi relationnel, composé de l'ensemble de la nature, de l'éducation, de la culture et des circonstances à l'intérieur et autour de nous, que nous tissons ensemble pour former l'histoire de qui nous sommes. Bien qu'il existe, du fait qu'il est dans un état de flux et d'impermanence, ce soi n'est pas la forme fixe à laquelle nous nous attachons généralement au cours de notre vie. Il y a ensuite un soi qui existe au-delà de ce soi relationnel et qui défie toute tentative de classification parce qu'il est sans forme. Certaines personnes pratiquant la méditation l'appellent la conscience de l'observateur, ou en anglais, awareness. Si les termes anglais consciousness et awareness sont généralement tous deux traduits par conscience en français, il existe une nuance en anglais qui est perdue en français. En effet, selon la psychothérapeute Anne Chrétien, consciousness se réfère à une conscience dite recul, retard, à savoir qu'elle est décalée par rapport au moment aware, puisqu'elle passe par la mise en mots de ce qui vient juste de se passer l'instant d'avant. tandis que awareness se réfère à une connaissance immédiate et implicite préexistante. Dans ce chapitre, j'y ai fait référence de manière plutôt maladroite en l'appelant l'aspect non entièrement déterminé de la conscience individuelle. Mais grâce à l'éclairage du bouddhisme, je peux maintenant décrire cet aspect de nous-mêmes comme la conscience co-causale, co-causal awareness. Ce terme est la traduction du sanskrit pratityasamutpada. Il se réfère à un enseignement central du bouddhisme selon lequel tous les phénomènes sont composés et interdépendants. En effet, les points de vue non dualistes sur la non-séparation entre la matière et l'esprit, et entre une chose et le tout, nous invitent à reconnaître que chaque aspect de la réalité est impliqué dans, entre guillemets, la coproduction conditionnée de tout ce qui existe dans l'univers. Cela signifie qu'une influence interdépendante a lieu, et non une prédestination. En tant qu'aspect de la conscience universelle, cette conscience co-causale est la source de notre libre arbitre. Elle est en communion constante avec les consciences à la fois collectives et individuelles, comme je l'ai décrit plus haut en utilisant l'analogie de la radio. Par conséquent, cette conscience co-causale participe à la co-création des facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux qui la façonne et façonne tout. Cette perspective se retrouve dans de nombreuses traditions de sagesse et peut également s'appuyer dans une certaine mesure sur la physique quantique qui reconnaît que l'attention de l'observateur-observatrice affecte ce qui est observé au niveau subatomique. Malheureusement, cette idée semble avoir été mal interprétée au sein de la culture hyper-individualiste de la modernité. En effet, cette dernière prétend que chacun, chacune peut créer sa réalité matérielle par la pensée positive, au lieu de reconnaître qu'à un certain niveau, tout existe en communication constante et totale avec tout le reste. Ces erreurs de lecture individualiste ne doivent pas nous empêcher de considérer que notre conscience individuelle participe à la production de notre propre expérience, non pas de manière autonome ou toute puissante, mais en tant que partie d'un processus universel et éternel. Certaines traditions réifient cette conscience co-causale en ce qu'elles décrivent comme un atman ou une âme. Les principaux courants des religions abrahamiques considèrent l'âme comme une entité cohérente et distincte qui existe après la mort du corps. Dans les traditions védiques, l'atman peut se réincarner. Mon point de vue est plus proche de la vision bouddhiste selon laquelle, bien qu'il y ait quelque chose d'éternel en chacun et chacune de nous, il ne s'agit pas d'une âme distincte. Au contraire, notre expérience actuelle est un motif fluctuant au sein de la conscience universelle. Nous pouvons considérer cette conscience comme un champ universel d'information ou ce que les hindous décrivent comme l'akasha, dont notre expérience consciente fait partie et auxquelles elle s'ajoute donc. Ce que nous sommes et ce que nous faisons durant notre vie influence la conscience universelle pour l'éternité, et donc toutes les autres incarnations, partout, même à des milliards d'années-lumière. De ce point de vue, notre âme n'existe pas de manière séparée et individuelle après notre mort, si ce n'est en tant qu'empreinte dans l'akasha de la conscience universelle. Il n'est donc pas nécessaire de considérer qu'une âme individuelle se perpétue dans des cycles de renaissance ou qu'elle perdure en tant qu'entité distincte dans un royaume céleste. On peut plutôt estimer qu'après la mort du corps, une âme individuelle se perpétue en tant qu'aspect de la conscience universelle et influence les nouvelles incarnations par sa contribution à cette conscience, qui peut également être comprise comme son empreinte sur le champ universel. Il serait peut-être plus simple de décrire cet aspect de notre conscience comme notre mélodie improvisée dans la symphonie de la vie plutôt que comme notre âme. De telles discussions peuvent sembler hors sujet en ce qui concerne la question de comment chercher à atténuer les impacts de l'effondrement et à en faire l'occasion d'une sagesse renouvelée. Cependant, Je pense que la question du libre arbitre et de la liberté est pertinente pour la philosophie environnementale et politique contemporaine, au moment où les sociétés se trouvent déstabilisées. Nos libertés individuelles sont menacées car les détenteurs et détentrices du pouvoir répondent mal à leur anxiété face aux difficultés rencontrées. Chapitre 13. Comme je l'ai mentionné au début de ce chapitre, certains et certaines autoritaires sont soutenus par des écologistes qui accusent nos libertés individuelles d'être à l'origine de la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Ils et elles justifient parfois ces opinions par leurs interprétations de la nature humaine et du monde naturel. Contrairement à leur point de vue, j'expliquerai dans la suite du chapitre comment le libre arbitre relatif peut être considéré comme un aspect essentiel de la nature. La liberté naturelle. La discussion précédente sur l'existence d'un libre arbitre relatif était un prélude à l'affirmation de mon point de vue sur la nature du monde vivant et par conséquent sur la nature de l'humanité. Il existe une perspective sur le libre arbitre qui n'est pas très connue, mais qui est pertinente à notre époque. Elle soutient que, pour les êtres sensibles dotés d'un esprit, le libre arbitre relatif est une caractéristique essentielle et non remplaçable. Cet argumentaire prend comme point de départ le fait qu'au niveau des êtres vivants individuels, un animal ne tire pas l'ensemble de ses connaissances de son instinct, de ce que lui enseignent les autres ou de son observation. Chaque animal doit plutôt connaître un processus d'apprentissage individuel afin de survivre et s'épanouir. Pour cela, tout animal a besoin d'un libre arbitre relatif pour pouvoir apprendre par un processus d'expérimentation, c'est-à-dire une succession d'essais et d'erreurs. S'il ne peut pas choisir ce qu'il doit faire dans une circonstance particulière, il ne peut pas apprendre. Les animaux parentaux jouent souvent un rôle important dans l'élaboration des circonstances vécues par leur progéniture au début, mais ils ne peuvent pas tout contrôler, notamment les choix faits par leur progéniture. Certains et certaines biologistes considèrent que ces processus sont entièrement déterminés par des facteurs biophysiques internes et externes. Ce faisant, ils et elles étendent la vision mécaniste de la nature et de l'évolution qui, selon elles et eux, explique mieux que d'autres modèles le comportement des êtres non sensibles. Il y a certainement des éléments prédéterminés qui entrent en jeu au moment où un animal effectue un choix, même si ce moment n'est pas déterminé par l'instinct, l'habitude ou le comportement appris. Cependant, on peut observer des comportements d'expérimentation, qu'il s'agisse de mouvements, du goût des aliments, etc. Les processus internes de l'animal étant intrinsèquement ambigus pour tout observateur, prétendre que ces processus sont entièrement mécanistes impliquerait de projeter un modèle sur cette ambiguïté. Au lieu de cela, on peut reconnaître cette ambiguïté comme impénétrable et accepter que les comportements observés lors de l'expérimentation sont cohérents avec l'existence d'un libre arbitre relatif. Il ne s'agit pas de projeter l'expérience subjective humaine du libre arbitre sur le comportement d'autres êtres sensibles, mais de l'observer en action. Dire que les animaux « choisissent » entre guillemets n'implique pas toujours l'existence d'une pensée abstraite, mais à tout le moins une relative liberté de choix. Par ailleurs, interpréter le phénomène du comportement animal, y compris humain, de cette manière ne nécessite pas de rejeter le modèle mécaniste, ce dernier pouvant être encore utilisé pour examiner une grande partie de la nature, bien que certains et certaines considèrent que cela ouvre la porte à un réexamen plus poussé. Nous en venons ensuite à l'évolution. Pour que certains types de mutations conduisent à une caractéristique, un phénotype, bénéfique à un animal, de sorte que ses gènes puissent se répandre dans une population, cet animal, tout comme ceux avec lesquels il interagit, doit disposer d'un libre arbitre relatif. En effet, il semble nécessaire qu'il expérimente avec le nouveau phénotype pour en découvrir les avantages. Par exemple, des ailes plus grandes pourraient améliorer son autonomie de vol, mais impliquer qu'il s'alimente davantage. Selon un point de vue mécaniste, on dira que c'est un ensemble de facteurs biophysiques qui déterminera si cet oiseau peut parcourir une plus grande distance que le reste de sa volée. Cependant, nous pourrions plutôt considérer un comportement consistant à voler plus loin comme une expérimentation effectuée par cet oiseau, ce qui indiquerait donc la présence chez lui d'un libre arbitre relatif. En outre, si ses congénères préfèrent sexuellement l'oiseau aux ailes plus longues, menant son phénotype à se propager dans leur progéniture, faut-il considérer qu'il s'agit d'une programmation mécaniste ou de l'expression d'un libre arbitre relatif? Je choisis de répondre à l'ambiguïté inhérente en considérant qu'il s'agit de ce dernier processus. Une telle perspective conduit à la conclusion que non seulement les animaux individuels ont besoin de liberté relative pour pouvoir prospérer dans leur environnement, mais aussi les espèces et les écosystèmes dont ils font partie. Que l'on insiste sur l'existence dans la nature de la concurrence ou de la coopération, de hiérarchies ou de systèmes plus horizontaux, le libre arbitre relatif peut être considéré comme essentiel à l'émergence de ces schémas dès lors qu'il concerne des êtres sensibles. Comme cette sensibilité implique un libre arbitre relatif qui contribue ensuite à la manière dont la nature a évolué, nous pouvons dire que la nature a besoin, entre guillemets, que ces créatures sensibles aient accès à la liberté. J'appelle ce concept liberté naturelle, car il s'agit de la liberté qui joue un rôle fondamental dans la nature, au moins au sein du règne animal et peut-être au-delà. Reconnaître l'existence de la liberté naturelle vient compléter une perspective polycentrique de conscience unitaire, pour structurer une approche de l'être humain individuel et des communautés humaines comme tendant vers la connexion, l'expressivité et l'émergence. En d'autres termes, une perspective selon laquelle la nature ou la vie, comme étant constituée d'êtres individuels qui interagissent librement pour produire des formes émergentes, de nouveaux êtres, de nouvelles communautés d'êtres et de nouvelles structures. Ce point de vue reconnaît la tendance naturelle des formes de vie à désirer une liberté de choix et d'expression comportementale, bien qu'elles dépendent d'autres formes de vie et que cette liberté s'établisse en lien avec ces dernières. Cela revient à considérer la liberté individuelle comme étant à la fois coopérative et compétitive, et donc à voir la stabilité d'un écosystème comme un phénomène émergent des actions d'êtres interagissant librement, plutôt que provenant de l'existence d'un individu ou d'une espèce exerçant un contrôle, même si certaines espèces ont une influence considérable, en tant qu'espèce clé de voûte, comme nous l'avons vu au chapitre 9. Les philosophes écologistes ont abordé ces idées dans leurs recherches sur les systèmes auto-organisés qui existent dans la nature. Ils et elles ont souligné que dans celle-ci, il n'y a pas de président, mais que tout s'organise et que chaque élément d'un écosystème, avant l'apparition des êtres humains modernes, apporte une contribution importante à l'ensemble tout en cherchant à satisfaire ses propres besoins et à s'exprimer par son comportement. Malgré la rhétorique très répandue sur le sujet de la liberté dans les pays du monde entier, pendant des siècles, comme nous l'avons vu dans les chapitres 8, 9 et 10, le type de liberté naturelle que je décris ici n'a pas fait partie de l'expérience vitale de la plupart des gens. Au contraire, c'est le pouvoir de l'argent qui a façonné cette expérience à travers la marchandisation et la commercialisation de tous les aspects de la société. Comme nous l'avons vu dans le précédent chapitre, cela signifie que nous en sommes arrivés à considérer la vie tout entière, y compris nos sentiments de sécurité et d'appartenance, la réalisation de notre potentiel ou encore le sens de notre existence, comme une affaire de lutte et de compétition. Nos identités sont façonnées pour faire de nous des consommateurs consommatrices de produits et de services, et des vendeurs-vendeuses de nous-mêmes en tant que produits ou services. les divers présupposés modernistes concernant le progrès perpétuel et les droits et privilèges personnels sont tous accentués par le système de l'argent-dette et contribuent à le servir. La reconnaissance de l'existence d'un libre arbitre relatif dans la nature, et donc en chacun chacune de nous, ne signifie pas que nous mettons en œuvre notre libre arbitre quand nous pensons le faire. En effet, la manipulation est un aspect de notre réalité. L'humanité n'a donc pas choisi librement et collectivement des attitudes et des comportements qui provoquent la destruction des sociétés et du monde naturel. Au contraire, avant que le pouvoir de l'argent ne devienne omniprésent et dominant pendant des dizaines de milliers d'années, l'expérience de l'Homo sapiens sur cette planète a été celle de formes de sociétés complexes n'entraînant pas une destruction écologique persistante ou irrémédiable. Chapitre 9. C'est bien l'absence de liberté, unfreedom, qui a poussé l'être humain moderne à détruire la planète et non la liberté. Et cette absence de liberté a sans doute freiné notre évolution en tant qu'espèce et même fait obstacle à l'évolution au sens large. Compte tenu de la crise écologique que j'ai décrite dans ce livre, il est de plus en plus admis que la liberté des êtres vivants n'est possible que dans un monde naturel soutenable. Certes, la nature a besoin de liberté, mais la liberté a elle aussi besoin de la nature. Il y a des manières très différentes de réagir à une telle prise de conscience. Si nous ne reconnaissons pas d'où provient notre absence de liberté dans les systèmes façonnés par la logique du pouvoir de l'argent, nous risquons de nous trouver désorientés et de ne pas agir de manière constructive. Si l'on en croit le résumé suivant, produit par le programme d'intelligence artificielle ChatGPT, la tâche qui nous attend est considérable. J'avais presque terminé ce livre lorsque ce logiciel est devenu populaire. La première question que je lui ai posée, par l'intermédiaire de mon collègue Matthew Slater, a été d'évaluer ce que l'on pouvait comprendre de notre dilemme d'après la littérature scientifique sur le sujet. Je lui ai demandé de poser la question suivante. La liberté humaine est-elle dangereuse pour l'avenir de l'espèce humaine ? Voici la réponse générée automatiquement en janvier 2023, mot pour mot. La liberté humaine est un concept complexe et multiforme qui peut avoir des conséquences à la fois positives et négatives pour l'avenir de l'espèce humaine. D'une part, la liberté humaine est essentielle à l'autonomie individuelle, à l'expression de soi et à la créativité, qui sont des moteurs essentiels du progrès et de l'innovation. La liberté humaine permet également aux individus de faire leurs propres choix et de poursuivre leurs propres objectifs et aspirations, ce qui peut conduire à un plus grand bien-être et à un plus grand bonheur général. D'autre part, la liberté humaine peut également avoir des conséquences négatives, en particulier lorsqu'elle n'est pas associée à d'autres valeurs telles que la responsabilité, l'empathie et la coopération. Une liberté débridée peut conduire à l'égoïsme, à la cupidité et au mépris des droits et du bien-être d'autrui, ce qui peut nuire à la fois aux individus et à la société dans son ensemble. En outre, la liberté d'exploiter les ressources et de polluer l'environnement peut avoir des conséquences catastrophiques pour la planète et la survie de l'humanité à long terme. En outre, compte tenu de l'état actuel de la technologie et de son potentiel de destruction massive, la liberté d'utiliser ces technologies de manière inconsidérée peut être dangereuse pour l'avenir de l'espèce humaine. En conclusion, la liberté humaine est à la fois un droit fondamental et une force puissante qui peut façonner l'avenir de l'espèce humaine, mais il est important de prendre en compte les conséquences négatives potentielles de l'exercice de la liberté et de l'équilibrer avec d'autres valeurs telles que la responsabilité, l'empathie et la coopération. Fin de citation. Bien que cette réponse soit d'une qualité impressionnante, elle révèle également la manière dont de nombreuses personnes répondront à la question de savoir si la liberté est un problème en matière de durabilité, si elles ne comprennent pas à quel point nous en manquons actuellement. En effet, la liberté ne consiste pas seulement à la possibilité de faire des choix, Elle exige que nous vivions dans des systèmes qui nous aident à faire des évaluations et des choix éclairés, ce qui n'est pas le cas dans les sociétés modernes. Et comme l'explique mon collègue philosophe Rupert Read, je cite, « L'objectif de notre libération doit être de nous libérer de l'adhésion involontaire à l'idéologie dominante et non pas, surtout pas, de nous libérer des autres êtres. » Fin de citation. Comme le pouvoir de l'argent façonne nos mondes intérieurs et extérieurs, notre liberté dépend de notre capacité à prendre conscience des présupposés, des aversions et des envies irrépressibles qui existent en nous. Cultiver notre propre sagesse critique, telle que je l'ai décrite au chapitre 8, est donc la clé de cette auto-libération pour aller vers des modes d'existence qui ne sont ni suppressifs ni destructeurs, pour soi-même, pour autrui ou pour la nature. Notre expérience du monde, ainsi que notre capacité à réaliser quoi que ce soit, dépendent de la manière dont les autres personnes de notre société pensent, se sentent et se comportent. Il est donc essentiel de nous soutenir mutuellement pour développer notre sagesse critique afin de restaurer notre propre liberté naturelle et pour discuter de ce que nous entendons par le terme « liberté » ainsi que la manière dont nous pourrions l'atteindre. Certaines personnes au sein du mouvement environnemental soulignent l'importance de la co-libération ou de la co-liberté dans la manière dont nous préparons et recherchons le changement social. C'est aussi la raison pour laquelle ces courants s'en prennent à la représentation erronée de la liberté, aujourd'hui, comme simple expression des contraintes générées en nous par des systèmes basés sur les logiques du pouvoir de l'argent. Le profond pseudo-individualisme, l'indifférence mutuelle et le quasi-solipsisme généralisé de notre époque sont, seront, des cibles négatives de choix pour la philosophie libératoire. Fin de citation. Il faut reconnaître qu'on ne protège les libertés et qu'on ne les rend possibles que simultanément. Ainsi, parce que la liberté d'une personne peut porter atteinte à la liberté d'une autre, l'accent doit être mis, et de façon permanente, sur le dialogue et la contestation pacifique pour traiter des comportements qui ont un impact sur autrui. Chacun, chacune d'entre nous doit à la fois reconnaître et respecter la souveraineté personnelle d'autrui, mais aussi comprendre comment chaque personne a été façonnée culturellement et en partie blessée par sa culture, ce qui explique à quel point nos comportements peuvent s'avérer compulsifs et destructeurs. Cela nous place devant un paradoxe. Comment respecter le monde intérieur et les souhaits de chaque individu tout en nous aidant mutuellement à mieux comprendre ce qui peut modeler nos préférences et donc influer sur les conséquences de nos actes, sur nous-mêmes et sur les autres. Il s'agit là de l'éternel problème de la relation entre l'individu et la collectivité. Dans le domaine de l'environnement, l'intérêt collectif passe de plus en plus par la modération de nos impacts sur la planète. Que faire alors face au désir de consommation excessive de certaines personnes, par exemple celui de voyager en première classe tous les mois? Souvent, ces personnes pensent qu'elles expriment leur libre arbitre. Elles ne tiennent pas compte du fait que leurs désirs de consommation peuvent provenir de traumatismes qui ne seront pas guéris par cette consommation ou que leurs comportements sont façonnés par des récits culturels sur la façon de vivre le respect de soi, l'amour de soi et le succès, qui découlent de l'emprise commerciale sur les systèmes de communication dans la société. Lorsqu'il s'agit d'examiner les limites appropriées à de tels comportements personnels qui apparaissent dans les cultures déformées par la modernité impériale, nous devrions éviter tout recadrage du concept de liberté qui décentrerait l'individu libre vis-à-vis de la détermination de ce qui constitue sa propre liberté. Si nous reconnaissons l'existence d'une liberté naturelle, nous reconnaissons l'importance de la liberté de décision de l'individu. Cela peut s'avérer difficile dans un monde où les choix individuels sont tellement faussés par le pouvoir de l'argent et où nous sommes confrontés à de si graves menaces pour la vie en raison de la situation écologique. Pour répondre à ce paradoxe d'une façon qui soit respectueuse de la liberté, on pourra donner la priorité à la réduction de la domination du pouvoir de l'argent dans la détermination des options offertes aux gens, ainsi qu'à la recherche d'une plus grande dévolution du pouvoir à des systèmes que les personnes peuvent façonner ensemble. Par ailleurs, une vision éco-libertaire du système actuel de la monnaie-dette, tenant compte de son illégitimité fondamentale et de sa nature néfaste, ne peut que mener à discréditer l'extrême richesse et la consommation débridée qui y est associée. Par conséquent, il est très peu probable qu'une société éco-libertaire tolérerait les niveaux d'inégalité et d'impact liés au vol en première classe. L'objectif de notre action individuelle et collective peut être d'atteindre l'éco-liberté, eco-freedom, un état individuel et collectif où l'on est libre et habilité à prendre soin les uns des autres et de l'environnement, plutôt que d'être contraint, contrainte ou manipulé pour adopter des comportements qui l'endommagent. Les personnes que j'appelle éco-libertaires sont convaincues que cet état d'éco-liberté est à la fois réel et susceptible d'être rétabli pour un plus grand nombre de personnes. Comme moi, elles reconnaissent que la liberté est un aspect fondamental de notre être et que nous sommes capables de retrouver ensemble une liberté plus profonde, capables de redécouvrir que notre place est bien ici, sur la planète Terre, parmi la vie tout entière et sous toutes ses formes. En tant qu'éco-libertaires, nous reconnaissons que les sociétés modernes détruisent leurs propres fondements parce que nous avons été manipulés pour faire l'expérience de la vie comme une affaire dangereuse et compétitive et que nous nous comportons en conséquence. Et comme nous le verrons au chapitre 13, ces mêmes institutions réduisent aujourd'hui la sensibilisation du public à l'effondrement actuel et au dialogue qui existe sur les meilleurs moyens d'y répondre. Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, les éco-libertaires de toutes sortes, qu'ils et elles emploient ou non cette étiquette, se confrontent au pouvoir des institutions dominantes. Ils et elles trouvent des moyens de résister à ce pouvoir, d'y échapper et de le réorienter collectivement, afin qu'un plus grand nombre d'entre nous puissent faire l'expérience de notre liberté naturelle et explorer la manière dont nous souhaitons vivre à une époque d'effondrement. À mesure que s'accroît la prise de conscience de l'effondrement des sociétés modernes, ainsi que les tensions liées à la vie au sein de ces sociétés, se multiplient aussi les possibilités d'approches alternatives. Comme nous le verrons au chapitre suivant, ces approches incluent des efforts visant à restaurer les ressources et les réseaux gérés collectivement, de sorte qu'une plus grande partie de nos besoins et de nos désirs puissent être satisfaits sans recourir à l'État ou au marché. Cependant, tant que subsistent les institutions gouvernementales, à tous les niveaux, et les capitaux philanthropiques, les éco-libertaires souhaitent que davantage de ressources soient canalisées vers des organisations, des ressources, des plateformes et des monnaies communes, afin qu'un effondrement sociétal plus compatissant et plus juste puisse se produire à une plus grande échelle. Les éco-libertaires sont également conscients et conscientes des tendances sinistres à l'autoritarisme, de part et d'autre du clivage politique gauche-droite. Ils et elles cherchent donc à s'opposer à l'utilisation de la situation environnementale pour justifier les politiques risquées ou oppressives proposées par les élites. C'est une tâche de toute première importance, comme nous le verrons au chapitre 13. Divers aspects de l'éco-libertarisme sont mis en œuvre dans le monde entier, mais ces processus manquent d'un cadre global qui favorise l'intégration et l'amplification des efforts. Vision de l'éco-liberté. Si vous souffrez de l'exploitation et des injustices de la modernité impériale, le fait d'entendre que cette dernière a déjà commencé à s'effondrer ne vous semblera peut-être pas une si mauvaise nouvelle. Toutefois, les divers changements environnementaux qui sont en partie à l'origine de cet effondrement toucheront des personnes qui n'ont pas grand-chose à voir avec la vie urbaine moderne. Et pour la plupart d'entre vous qui lisez ce livre, je suppose que cela entraînera des souffrances difficiles à prévoir. Par conséquent, le point de vue que j'ai exposé dans ce livre peut à juste titre être considéré comme « négatif » entre guillemets et « pessimiste », même s'il s'agit d'une évaluation crédible. Le besoin de s'accrocher à un espoir et une vision simpliste et matérialiste est un aspect de la culture de la modernité impériale. Cependant, pour les personnes qui, comme moi, se considèrent comme des éco-libertaires et cherchent, de manière consciente, à créer des changements de société, à quoi ressemblerait le fait de parvenir à nos fins? C'est une question digne d'être posée. Parce que notre liberté est contextuelle et que les résultats obtenus par des personnes en co-liberté sont émergents, les objectifs éco-libertariens relatifs à notre engagement sociopolitique concernent autant les manières d'être et les processus que les résultats matériels. C'est une constante que nous soyons explicitement politiques et activistes dans notre réflexion ou que nous fassions simplement des choix concernant notre propre mode de vie. La réalisation de l'état idéal qu'est l'éco-liberté se manifestera de multiples façons. L'éco-libertarisme est donc adapté à une époque d'effondrement où le fait de spécifier des objectifs matériels à atteindre ou de chercher à justifier nos actions sur la base de ces objectifs n'est plus une démarche crédible ou utile. Mais une telle perspective peut entraîner, pour nous, un manque de clarté sur ce à quoi ressemblerait le succès. Pour répondre à cela, voici ma propre vision pessimiste positive, entre guillemets, qui discerne la lumière qui peut émerger de l'obscurité. Ma vision est celle d'un monde où beaucoup moins de personnes sont encouragées par les systèmes de communication dominants à moins se connaître elles-mêmes, à moins connaître les autres et à moins connaître la nature. J'entends le terme « communication » au sens le plus large possible, englobant les systèmes monétaires, de marché et d'éducation, ainsi que la culture dominante, y compris ses aspects religieux ou laïques. De même que ces véhicules spécifiques de la communication contemporaine que sont les médias de masse, les grandes technologies, la publicité, les relations publiques et les campagnes politiques. Ces systèmes dominants nous encouragent à moins bien nous connaître de toutes sortes de façons, par moins de conscience de soi, moins d'émotions, moins d'expansion de l'être et moins d'intuition, comme nous l'avons vu dans les chapitres 8, 9 et 10. Faire davantage l'expérience de nous-mêmes implique de laisser libre cours à nos émotions et d'en être les témoins, et de ne pas agir impulsivement pour freiner ou servir ces émotions, mais aussi de puiser dans davantage de sources de compréhension et d'atteindre un sens élargi de nous-mêmes en tant que partie d'une communauté, d'une planète et d'un univers. Les systèmes de communication dominants nous encouragent également à moins bien connaître les autres, et notamment à moins nous ouvrir aux réalités, aux subjectivités, aux souffrances et aux souhaits d'autres personnes, à la fois de manière générale et en raison de caractéristiques identitaires spécifiques telles que la race, le genre, l'orientation sexuelle, l'âge, la nationalité, la religion, les opinions personnelles ou la classe économique. Faire davantage l'expérience des autres, c'est ressentir de l'empathie pour leur situation et ne pas en diminuer l'importance en raison des catégories d'identité que nous leur appliquons. Enfin, les systèmes de communication dominants nous incitent également à moins connaître la nature. Nous sommes encouragés à ne pas nous considérer comme faisant partie de celle-ci et à ne pas la considérer comme nous constituant nous-mêmes. Au contraire, on nous présente la nature comme une ressource extérieure. On nous incite à ne pas connaître ni ressentir les dommages causés aux individus, aux espèces entières et aux écosystèmes. Faire l'expérience de la nature, c'est se sentir profondément imbriqué dans l'expérience d'autres vies et de la vie dans son ensemble, avec toute l'extase et la douleur qu'une telle connexion peut engendrer. Ma conviction est qu'une fois libérés des systèmes de communication dominants qui limitent notre expérience de nous-mêmes, des autres et de la nature, nous répondrons plus efficacement à toutes les difficultés de la vie, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel ou politique. Pour moi, toute vision dans laquelle disparaît la souffrance, ou bien dans laquelle des processus gigantesques déjà en cours sont inversés sans dommage, ne peut qu'être illusoire. Ce genre de vision découle d'une expérience de soi, des autres et de la nature qui est limitée par les systèmes de communication dominants. Quant à moi, j'accepte qu'il y ait toujours de la souffrance comme de la beauté, de la douleur comme de la joie, des deuils comme des naissances, de l'ambiguïté comme de la clarté et de l'échec comme de la réussite. Ma vision englobe donc des millions de personnes, de toutes confessions mais aussi athées, prenant conscience de la manière dont certains des systèmes de communication dominants ont déformé leur expérience d'elles-mêmes, des autres et de la nature. Par cette prise de conscience, elles causeront moins de souffrances, résisteront davantage à ce qui cause ces souffrances et permettront à plus de joie, de créativité et de transcendance de se manifester. Pour évoquer cette vision de l'avenir, j'emploierai dorénavant le terme d'évotopie. En effet, évo signifie regarder ou témoigner, et topie désigne un lieu ou une réalité. Une évotopie est un scénario idéalisé dans lequel l'humanité perçoit mieux la réalité naturelle, de sorte que la destruction ralentit et que la beauté s'épanouit. La pratique de l'écolibertarisme est diverse, comme nous le verrons dans le chapitre suivant. La culture de la sagesse critique sera essentielle à la fois pour promouvoir et pour défendre la liberté en cette époque d'effondrement, comme décrit au chapitre 8. Étant donné que la sphère publique façonnée par les intérêts commerciaux contrecarre notre capacité de discernement, il sera essentiel de moins dépendre des principaux médias, qu'ils soient traditionnels ou sociaux, et de revenir aux communications par courrier électronique, aux bulletins d'information et aux réunions. Bien que cela dépende des intentions qui émergent, j'estime qu'une grande partie des changements importants se produiront en dehors de l'Occident, en dehors des classes privilégiées et en dehors des professions du domaine traditionnel de l'environnement. Les liens de solidarité entre groupes de personnes non privilégiées du Sud, qui constituent la majorité des habitants et habitantes de notre planète, seront essentiels pour que les efforts écolibertaires aient une influence dans le monde. C'est un point sur lequel nous reviendrons dans la conclusion. L'écolibertarisme en contexte. Pour diverses raisons, le terme « libertaire » est devenu associé dans le monde anglophone à une certaine orientation politique de droite. L'une de ces raisons est l'influence, à l'échelle mondiale, des cadres politiques et des idées provenant des États-Unis. Dans ce pays, historiquement, le libertarisme de gauche n'a eu que peu ou pas de temps d'antenne, tandis que sa version libérale, de droite, est la seule forme à avoir une certaine influence politique. Les partisans et partisanes de l'un ou l'autre courant affirment qu'il faut avant tout favoriser les libertés des individus et leur capacité à collaborer volontairement tout en les protégeant de l'influence ou de l'intrusion de pouvoirs extérieurs et hiérarchiques, à moins que les personnes concernées n'y consentent en toute connaissance de cause. Tous les courants libertaires considèrent les libertés personnelles comme notre état originel, qu'ils soient vus comme issus de la nature ou de la volonté divine, ainsi que je l'ai décrit plus haut. Ma définition de l'écolibertarisme s'écarte du libertarisme de droite, car elle n'est pas aveugle à l'influence et à l'intrusion des entreprises, et plus généralement du pouvoir de l'argent au sein du capitalisme, dans nos vies. Au contraire, Elle considère que la possibilité de se soustraire à cette influence et à cette intrusion est essentielle pour que nous puissions tous et toutes recouvrer notre liberté. On peut considérer que le libertarisme de droite a minimisé ces menaces pour la liberté, précisément en raison du pouvoir des entreprises et du capital au plan culturel et politique. À cause de ce pouvoir, de nombreuses personnes présupposent que la liberté est individualiste, au lieu d'être toujours vécue de manière collaborative. Par sa faute, on a également négligé la question de savoir si certains droits pourraient être défendus de manière abusive à grande échelle, l'exemple clé étant la liberté des entreprises d'échapper à leur obligation de rendre des comptes à celles et ceux qu'elles affectent. Pourtant, il y a bien eu des penseurs et penseuses libertaires de droite exhortant à limiter le pouvoir des entreprises, dans l'intérêt de la liberté de chacun chacune. Par exemple, Friedrich Hayek et Milton Friedman étaient tous deux favorables à des lois antitrust pour empêcher les pratiques monopolistiques. Quant à Murray Rothbard, il est allé beaucoup plus loin en affirmant que les entreprises ne devraient pas exister sous leur forme actuelle, qui leur confère des protections telles que la responsabilité juridique et des avantages inhabituels en matière de financement et de fiscalité. Caractéristiques qui, selon lui, sont le produit de leur influence sur le gouvernement. En ce qui concerne les questions environnementales, le courant libertarien de droite aux États-Unis a principalement mis en avant l'argument selon lequel on ne peut pas mieux réagir qu'en étendant les droits de propriété et en gardant confiance dans l'ingéniosité humaine. Il a donc promu l'idée d'un environnementalisme du marché libre et la croyance en l'esprit humain jouant un rôle de ressource ultime qui résoudra tous les problèmes grâce à la technologie. Au cours des 30 dernières années, ces idées ont eu une influence considérable sur la politique états-unienne et donc au plan mondial, en matière d'environnement. Par exemple, c'est en adoptant cette idéologie que les accords internationaux sur le changement climatique ont promu les marchés du carbone. De nos jours, la prédominance de l'écomodernisme au sein de l'environnementalisme dominant reflète également cette influence. Nous avons donc des décennies de preuves à notre disposition pour conclure que ces idées ne fonctionnent pas dans la pratique. Le fait qu'une famille soit propriétaire de son bien peut signifier qu'elle en prend mieux soin et qu'elle tient compte des questions environnementales à long terme. Mais transposer cette idée à l'échelle mondiale, c'est oublier l'existence des entreprises multimilliardaires qui élaborent des politiques pour maximiser leurs profits. C'est donc commettre une grossière erreur intellectuelle qui sert les intérêts des élites. Parce que l'écolibertarisme reconnaît que l'abus de pouvoir des entreprises est une caractéristique structurelle et non un effet secondaire de notre système économique, il rompt avec le fondamentalisme du marché, populaire mais inefficace, que les penseurs et penseuses libertaires de droite promeuvent sur les questions d'environnement. Il s'inscrit en revanche dans la lignée de la pensée libertaire de gauche, qui milite pour des systèmes économiques alternatifs reposant sur des formes de contrôle par les travailleurs et travailleuses et les communautés locales, telles que les coopératives et l'usage de la démocratie participative. On se réfère aux partisans partisanes de cette approche sous différents termes, socialiste libertaire, communautarien communautarienne, ou encore communaliste, à ne pas confondre avec les communistes, entre autres. L'écrivain états-unien Murray Bookchin, l'un des principaux penseurs de ce courant, a mis l'accent sur la décentralisation du pouvoir comme moyen de parvenir à la durabilité écologique et à la justice sociale. Toutefois, ce n'est pas en Occident que ces idées ont prospéré. L'un des penseurs les plus influents dans ce domaine a été Lala Lajpat Rai, un philosophe indien qui a joué un rôle important dans le mouvement pour l'indépendance de l'Inde au début du XXe siècle. Le terme associé à ces idées est celui d'anarchisme constructif. Il considérait les ressources naturelles comme des biens communaux qui devait être géré collectivement. Bien que Monadas Gandhi et lui n'aient pas été d'accord sur les méthodes pour parvenir à l'indépendance de l'Inde, ils partageaient la même vision d'une forme différente d'économie, gouvernée par les communautés et respectueuse de la nature. Il est intéressant de noter que l'économiste Baba Saheb Ambedkar, peut-être la figure la plus importante ayant guidé l'Inde vers l'indépendance, partageait également ce point de vue sur la propriété commune. La puissance actuelle des coopératives de producteurs et productrices et de consommateurs et consommatrices indiens et indiennes est le reflet de cette tradition. Tout comme le libertarisme de gauche promeut une propriété et une gestion coopérative des ressources, par opposition à la propriété de l'État ou des entreprises, l'écolibertarisme met en avant cette même approche comme moyen de répondre à l'effondrement des sociétés modernes. Nous y reviendrons plus en détail dans le prochain chapitre. Mais pour conclure cette discussion sur les liens entre l'écolibertarisme et les idées existantes, examinons brièvement certains courants de l'environnementalisme occidental contemporain. Comme je suis anglophone et que je ne peux m'appuyer que sur un cercle de relations limité, je néglige peut-être d'importants mouvements politiques aux sensibilités écologiques. J'espère cependant que l'analyse qui suit contribuera à montrer comment l'écolibertarisme marque une rupture significative avec les courants environnementalistes classiques et inefficaces qui ont jusqu'à présent dominé les discussions et les initiatives internationales. Donner une nouvelle vie à l'environnementalisme en cette ère d'effondrement. Pendant des décennies, de nombreuses activités environnementales ont été mises en œuvre en partant de la théorie ou du sentiment qu'il serait pragmatique d'éviter toute remise en cause explicite du capitalisme. Quand on considère que ces activités ont incontestablement échoué à produire des résultats significatifs pour la biosphère, il devient intenable de présenter une telle réticence comme du pragmatisme. Mais la leçon à tirer de cet échec n'est pas qu'il faut basculer dans l'autoritarisme. Au contraire, il est essentiel d'obtenir une plus grande liberté par rapport à ce qui nous pousse à la concurrence, à l'exploitation et à la consommation. L'une des tâches qui nous attendent est de clarifier, de communiquer et de construire les bases de pouvoir autonome et leurs réseaux associés qui contribueront à l'émergence de l'écoliberté. Toutefois, un secteur de l'environnement détaché du reste de la société et qui ne parle que de biodiversité et d'émissions de carbone ne sera pas d'une grande aide en la matière. Au contraire, il est nécessaire de créer un mouvement politique révolutionnaire axé sur la liberté et les droits humains en réponse à la reconnaissance du fait que nous sommes entrés dans une ère d'effondrement sociétal due à l'avancée destructrice de la modernité impériale. Malheureusement, ces dernières années, les voix dominantes de l'environnementalisme occidental se sont plutôt exprimées en faveur de l'approche inverse. C'est pourquoi il est important de reconnaître les antécédents de l'éco-autoritarisme ainsi que les idées qui conduisent les gens à ne pas s'y opposer. C'est ce que nous allons examiner maintenant. Échaudés par des décennies d'échecs réformistes sur le front de l'environnement, certains et certaines affirment que nous n'avons pas eu le temps pour des tentatives de révolution et que nous devons nous efforcer d'employer les leviers de pouvoir existants. D'autres proposent des formes autoritaires de changement révolutionnaire selon lesquelles le pouvoir serait capturé par une nouvelle élite plutôt que partagé plus largement et transformé. D'autres encore ignorent à tort les effets de la modernité impériale en supposant que les êtres humains modernes ont librement choisi de détruire notre planète et affirment donc qu'il est moins important de se prémunir contre le totalitarisme que d'agir sur la crise environnementale. Chacune de ces perspectives favorise des réponses autoritaires, ou du moins sape toute contestation de celles-ci. De telles perspectives peuvent être séduisantes pour celles et ceux qui recherchent un sentiment de capacité d'action personnelle en réponse à leur éco-anxiété. Mais comme le suggèrent de nombreuses études psychologiques que j'ai décrites par ailleurs, tout évitement expérientiel lié à des émotions douloureuses peut nous conduire à des comportements abusifs et autoritaires. Plus fondamentalement, les sentiments éco-autoritaires peuvent naître d'un attachement aux idées de contrôle, d'ordre et de progrès que la modernité impériale a inculquées à chacun et chacune de nous, au service du pouvoir de l'argent. Notre attachement à ces idées peut nous mener à voir les problèmes environnementaux comme un désordre embêtant qu'il convient de régler par une meilleure gestion. Dans « Les origines du totalitarisme », Hannah Arendt avance l'argument selon lequel le totalitarisme provient moins d'un désir de dominer les autres que de la conviction que toute la vie peut être contrôlée. La vie étant intrinsèquement complexe, ambiguë et incontrôlable, le moderniste la considère comme quelque chose qu'il faut soumettre et domestiquer. Cela inclut la domestication des animaux que nous sommes, nous les humains, y compris nos pensées et nos sentiments personnels sur la façon dont nous souhaitons vivre. Par conséquent, une impulsion totalitaire peut naître d'une peur profonde et d'un rejet de la véritable nature de la vie. Au fur et à mesure que les gens s'inquiètent de voir notre monde devenir moins hospitalier pour nous, cette tendance à l'autoritarisme, due à la phobie de la nature, se développera chez certains, certaines, ce qui peut conduire à des mesures politiques aussi stupides que contre-productives, comme nous le verrons au chapitre 13. Les sentiments éco-autoritaires peuvent également découler d'une vision misanthropique de la nature humaine, perçue comme intrinsèquement égoïste et destructrice. On discerne par exemple des échos de cette vision négative dans les textes de Georges Monbiot, un journaliste environnemental britannique. Dans un débat écrit l'opposant à un autre journaliste britannique spécialisé dans l'environnement, Paul Kingsnorth, il écrit « Vous affirmez que la civilisation industrielle moderne est une arme de destruction massive planétaire. Quiconque est au courant du massacre paléolithique de la mégafaune africaine et eurasienne, de l'extermination des grands animaux des Amériques ou des rejets massifs de carbone produit par la déforestation au néolithique, doit être en mesure de voir que l'arme de destruction massive planétaire n'est pas la culture actuelle, mais l'humanité. » Fin de citation. Compte tenu des recherches que j'ai effectuées sur les sociétés anciennes pour le chapitre 9, je me méfiais quelque peu de toute condamnation générale de la relation de l'humanité avec la nature. J'ai donc examiné de plus près les données factuelles soutenant ces affirmations. J'ai trouvé que les preuves d'un massacre paléolithique de la mégafaune africaine et eurasienne n'étaient pas si concluantes. Monbiot fait ici référence à une ère géologique appelée le Pléistocène. Diverses théories ont été avancées sur les causes de l'extinction de ces espèces. La chasse par les humains et les pré-Homo sapiens est effectivement l'une de ces théories. Mais il existe également des éléments de preuve impliquant d'autres causes possibles, notamment un changement climatique à la fin de la dernière période glaciaire, une maladie, l'impact d'un astéroïde ou d'une comète, ou même un épisode de radiation solaire. Selon cette dernière théorie, des rafales de radiation inhabituelles en provenance du Soleil auraient pu provoquer des mutations génétiques menant à des extinctions. Nombre de ces extinctions ont coïncidé avec la période de changement climatique du Dryas récent, qui pourrait avoir été causée par l'impact d'une comète ou d'un astéroïde. C'est donc faire un choix subjectif que de prononcer un verdict sur l'humanité. Lorsque Monbiot parle de l'extermination des grands animaux des Amériques, il avance une interprétation de l'effondrement de la mégafaune dans cette région, qui s'est également produit au moment de la période climatique du Dryas récent, soit des dizaines de milliers d'années après l'arrivée de l'être humain en Amérique du Nord, qui s'est répandu dans toute la région et a cohabité pendant tout ce temps avec ces grands animaux. Des recherches approfondies mettent en évidence le rôle du changement climatique dans leur déclin. D'autres recherches identifient également le rôle probable d'impact d'astéroïdes ou de comètes dans ces changements. Et lorsque Monbiot décrit les rejets massifs de carbone produits par la déforestation à l'époque néolithique, de moins 10 000 à moins 4 500 avant Jésus-Christ, il exprime une certitude alors même qu'un débat scientifique est toujours en cours sur la question. Dans certaines régions, l'expansion agricole a certainement entraîné une déforestation. Cependant, certaines recherches indiquent que les changements de température et de pluviométrie survenus au cours de cette période ont eu une incidence sur le cycle du carbone. Il s'agit notamment de changements dans les régimes de mousson qui ont entraîné une augmentation de l'aridité dans certaines régions, ce qui a eu une incidence sur les régimes de végétation et le cycle du carbone. Des journalistes comme Georges Monbiot négligent peut-être certaines données et analyses pour affirmer sans équivoque que l'Homo sapiens a toujours été extrêmement destructeur pour la nature. Outre qu'il puisse s'agir d'une projection, cela ne nous aide pas à identifier les causes profondes de notre situation actuelle. D'autres tentatives écologistes d'identifier ces causes profondes risquent également de nous faire oublier notre manque de liberté au sein de la modernité impériale. Le professeur William Rees est un chercheur novateur dans le domaine de l'environnementalisme. Pourtant, il affirme que, je cite, « malgré des millénaires d'évolution, le cerveau humain et les processus cognitifs associés sont fonctionnellement obsolètes pour faire face à la crise écologique d'origine humaine. L'Homo sapiens a tendance à répondre aux problèmes de manière simpliste, réductionniste et mécanique. » Fin de citation. Une telle description risque de minimiser ou de considérer comme non pertinente les preuves que des sociétés humaines se sont maintenues de manière non destructive pendant des millénaires, ou seulement partiellement destructives sur des périodes limitées, chapitre 9, ainsi que la façon dont les êtres humains modernes ont vu leurs pensées et leurs comportements façonnés par le pouvoir de l'argent, chapitre 10. Les êtres humains peuvent penser et agir de manière systémique, et c'est ce qu'ils ont fait et continuent à faire. Par conséquent, il est non seulement incorrect d'affirmer que l'humanité en est généralement incapable au niveau biologique, mais cela pourrait également fournir une base idéologique pour des mesures élitistes et autoritaires de la part de personnes qui pensent avoir atteint un état de conscience ou d'intelligence plus élevé que les gens comme vous et moi. C'est pourquoi celles et ceux qui s'opposent à l'éco-autoritarisme ne peuvent accepter des déclarations comme celle-ci, venant du professeur Rees dans le même article. Je cite « L'objectif ultime devrait être une population humaine d'environ 2 milliards d'individus, prospérant plus équitablement dans un état stable, au sein des paramètres biophysiques de la nature. » Fin de citation. Il a peut-être raison. Mais lorsqu'on associe à ces propos d'autres qui dépeignent l'humanité comme une force intrinsèquement destructrice et biologiquement incapable d'agir intelligemment, on peut nourrir des craintes légitimes sur les conséquences potentielles de telles idées. Ces conceptions négatives de la nature humaine se traduisent notamment par des points de vue qui s'apparentent à de l'éco-stalinisme. Cela revient à penser qu'un petit groupe de personnes talentueuses et courageuses devrait s'emparer du pouvoir et contrôler le reste de l'humanité pour notre bien. Cette perspective peut même aller jusqu'à voir la liberté individuelle comme un aspect de la modernité qui n'a plus lieu d'être, au lieu de reconnaître à quel point nous sommes privés de liberté au sein du système de la modernité impériale. Au lieu d'adhérer à la misanthropie qui s'exprime en sourdine chez de nombreux et nombreuses écologistes, en proie à une terreur, une frustration et une panique justifiées, il y a une autre façon de réagir. Il faut commencer par reconnaître que c'est à cause de notre manque de liberté que nous sommes devenus aussi destructeurs et destructrices. Pour citer l'universitaire autochtone Lila June, la Terre se porterait peut-être mieux sans certains systèmes que nous avons créés, mais nous ne sommes pas ces systèmes. S'appuyant sur son héritage culturel, Elle explique le concept et l'expérience du Hozo, qu'elle estime nécessaire de retrouver à mesure que nous modifions notre relation à la nature. Il s'agit de, je cite, « la joie de participer à la beauté de la création dans son ensemble ». Lorsque nous comprenons que l'humanité est une expression de la beauté de la Terre, nous comprenons que nous y avons notre place. Fin de citation. L'accent mis sur la technologie comme planche de salut s'aligne également sur l'autoritarisme capitaliste existant et sur l'éco-autoritarisme émergent. En fait, cette approche exige d'énormes investissements de la part des entreprises et des gouvernements et ignore les critiques du système actuel, comme nous l'avons vu dans les chapitres 3 et 8. Certains et certaines écomodernistes considèrent la désagrégation actuelle des sociétés comme une opportunité pour une avant-garde d'investisseurs, investisseuses et d'élites de faire avancer d'un grand bond la société. Ce récit cherche à préserver une vision héroïque de l'action humaine à une époque où nous devons accepter l'échec. L'un des problèmes d'une telle vision est qu'elle évite de se pencher sur les causes de cet échec et qu'elle peut même entraîner la répétition de ce dernier. Un autre problème est qu'elle peut dépeindre d'immenses souffrances comme une partie inévitable du bon nécessaire. Si des régimes autoritaires offraient la possibilité aux entrepreneurs de l'élite de créer ce grand bon, ses partisans et partisanes ne s'y opposeraient pas de manière cohérente. Certaines des perspectives les plus radicales en matière d'environnement ont, jusqu'à présent, été quelque peu ambivalentes en ce qui concerne la défense des libertés humaines. On trouve ainsi, parmi certains et certaines adeptes de l'écologie profonde, Deep Ecology, et d'autres qui s'inspirent des sagesses indigènes, une plus grande attention aux relations et aux responsabilités qu'aux droits et aux libertés. Ils et elles ont raison de pointer du doigt les aspects coopératifs plutôt que compétitifs du monde naturel et l'impact destructeur de l'exceptionnalisme humain et de l'individualisme. Cependant, cela peut les conduire à négliger le manque de liberté de l'être humain moderne. Ces personnes peuvent également oublier l'importance de la liberté dans la nature, même s'ils et elles essaient de tirer les leçons de la nature pour les sociétés humaines. On peut imaginer ce qui se passerait si Bill Gates et ses amis milliardaires, au sortir d'une hutte de sudation, déclaraient que selon la sagesse des Amérindiens, il n'y a pas de droit humain, seulement des responsabilités. Ma propre expérience des huttes de sudation et de la philosophie autochtone et qu'elles invitent à laisser émerger une connaissance spécifique au contexte et non généralisable, qui découle de l'apaisement de l'ego et de l'esprit langagier. Ce serait donc un délire moderniste que de traduire cette prise de conscience en idée sur la manière dont tout le monde devrait se comporter partout ou de chercher à l'imposer. Les sagesses autochtones sont célébrées par les écologistes occidentaux occidentales de la classe moyenne qui croient au concept d'évolution consciente. Plutôt que de considérer l'évolution comme une simple tendance récurrente, connaissant des revers massifs tous les quelques millions d'années, ces personnes pensent que l'évolution tend vers le but de permettre des formes de vie de plus en plus conscientes. Elles estiment que les humains sont à l'apogée de ce processus et que nous avons maintenant l'occasion, peut-être le destin, de choisir consciemment comment évoluer. Une telle perspective incarne de nombreux aspects psychologiques de la modernité en rapport avec l'anthropocentrisme, le progrès, le contrôle et l'agentivité. Par conséquent, elle n'oppose aucune résistance à des tendances éco-modernistes et autoritaires au sein de la société. Étroitement associé à cette perspective, on trouve aussi un courant de spiritualité solipsiste qui prétend que chaque être humain peut manifester son destin individuel, et même le destin collectif, par sa seule intention. De telles approches n'encouragent pas à s'organiser collectivement contre les menaces qui pèsent sur notre liberté et les autres maux de notre société. Un autre courant de l'environnementalisme, plus radical, s'appuie sur l'emploi du terme de décroissance. Selon les décroissants et décroissantes, les économies marchandes du monde doivent réduire leur consommation de ressources et leur pollution d'une manière équitable et organisée, ce qui entraînerait également des réductions de la croissance économique. Mais les partisanes de la décroissance sont confrontés à un problème important parmi d'autres. Comment faire pour que les citoyens et citoyennes des pays à empreinte écologique trop importante consentent à ce que leur économie décroisse? Les décroissants et décroissantes ont beau mettre en avant leur attachement à la solidarité, aux communautés locales et au bien-être, les critiques de la décroissance redoutent malgré tout le spectre de l'imposition d'une austérité, entre guillemets, écologiquement justifiée, face à une résistance généralisée. Il est donc regrettable que le courant principal du mouvement décroissant n'ait pas encore centré sa critique sur notre système monétaire expansionniste. Cela signifie qu'il se prive de toute possibilité de libérer les citoyens et citoyennes pour qu'ils et elles vivent différemment, de manière qui réduirait naturellement leurs impacts écologiques. Se concentrer sur la question monétaire pourrait aider le mouvement à mieux faire décroître les hiérarchies, en particulier celles dont les opérations sont les plus massives et qui opèrent sur de vastes échelles. Quoi qu'il en soit, le problème demeure qu'il reste un mouvement de niche et au sein de la minorité de personnes à qui il s'adresse, beaucoup ne parviennent même pas à réduire leur propre impact au sein des sociétés dans lesquelles elles vivent. Par conséquent, en tant que programme politique, il est critiqué parce qu'il n'a pas de voie d'application autre que par des politiques draconiennes qui seraient imposées à la population par un gouvernement éco-autoritaire. Cela pose un dilemme à toute personne souhaitant participer aux efforts visant à un changement global significatif. Un point que nous examinerons plus en détail dans le chapitre suivant. Le mouvement ouvrier et de nombreux mouvements de libération anti-impérialistes tirent leur origine de la solidarité entre opprimés pour atteindre la liberté collective. Compte tenu de l'histoire du libertarisme de gauche, on pourrait s'attendre à ce que des pans entiers de la gauche politique contemporaine soutiennent les idées écolibertaires sur la manière de répondre à notre terrible situation environnementale. Malheureusement, ce n'était pas le cas au cours des quelques années précédant la rédaction de ce livre, du moins en Occident. Au contraire, pendant les années de la pandémie de Covid-19, on a pu voir des gauchistes autoproclamés diaboliser la dissidence et l'activisme s'opposant à des politiques gouvernementales qui affectaient négativement la vie des travailleurs et travailleuses, notamment celle des indépendants et indépendantes. Cette diabolisation a notamment été l'œuvre d'éminentes journalistes et professionnels de l'environnement. Leur déférence à l'égard des stratégies des entreprises sur la pandémie reflète la façon dont l'environnementalisme occidental contemporain est enraciné dans les classes privilégiées qui, comme toutes les études le montrent, sont plus déférentes à l'égard de l'autorité. Leur position sur le Covid-19 révèle une fois de plus l'écueil que constitue la prédominance de la gauche synthétique, entre guillemets, qui n'est fortement représentée ni dans les classes populaires, ni au sein des petites entreprises, comme nous l'avons vu au chapitre 3 et 7. De manière similaire, en Occident, le mouvement de la gauche écologiste, favorable aux institutions dominantes, est explicitement éco-moderne et n'offre donc pas l'ombre d'un programme anti-autoritaire. Qu'en est-il donc du nombre croissant de personnes qui anticipent les bouleversements de société et l'effondrement sociétal, ou bien les constatent et en font déjà l'expérience ? Sont-elles plus susceptibles de soutenir une perspective écolibertaire ? Oui, et beaucoup le font, comme nous le verrons dans le chapitre suivant. Toutefois, parmi celles et ceux que l'on appelle les catastrophistes, doomers, on trouve des occidentaux et occidentales de la classe moyenne qui ont été attirés par les façons d'expliquer notre situation difficile qui les dispensent de tout sentiment de culpabilité ou d'urgence à changer leur vie ou à faire des sacrifices dans un objectif d'équité, de justice et de réduction des souffrances. Il peut leur sembler plus facile d'adopter l'argument selon lequel l'humanité était destinée à détruire la planète et donc d'ignorer la durabilité des cultures passées, ainsi que le rôle destructeur du pouvoir de l'argent et la manière dont il a affecté et affecte leur propre identité, leur vision du monde et leur comportement d'une manière qui leur est préjudiciable, ainsi qu'aux autres et à la nature. Une contribution plus récente à ce cadrage déradicalisant de notre situation consiste à voir la modernité en général comme la cause de notre situation difficile, plutôt que le rôle clé du système monétaire dans la création d'une modernité impériale. Pointer du doigt l'adhésion excessive à certains modes de pensée, plutôt que l'asservissement psychologique, culturel et matériel des peuples dans le cadre d'un système monétaire expansionniste, a un certain nombre d'implications contre-révolutionnaires. Cela peut mener à discuter de notre ère d'effondrement sans inviter quiconque à défier les institutions dominantes. Cela signifie aussi détourner l'attention collective de la manière dont le capital déforme les aspects utiles de la modernité, comme c'est le cas avec l'accaparement de la science et de la technologie par les entreprises. Chapitre 10. Dans l'ensemble, ce mélange d'idées invite les occidentaux occidentales privilégiés à des processus de deuil collectif et de réflexion philosophique, plutôt qu'à une prise de position politique explicite. En tant que tel, ces idées n'offrent aucune défense contre la montée de l'éco-autoritarisme. L'éco-libertarisme s'oppose explicitement à l'instrumentalisation des préoccupations environnementales pour justifier l'autoritarisme ou l'utilisation irresponsable du pouvoir de l'État ou des entreprises. Émettre des critiques à l'encontre d'autres courants de l'environnementalisme occidental contemporain, comme je viens de le faire, ne revient donc ni à couper les cheveux en quatre, ni à semer la zizanie. En cette ère d'effondrement, à moins d'adopter une perspective plus profondément critique comme celle que j'expose dans ce livre, n'importe qui risque de devenir l'idiot anxieux ou l'idiote anxieuse d'un pouvoir autoritaire et de faire empirer les choses. C'est un sujet sur lequel je reviendrai au chapitre 13, lorsque j'examinerai certaines des idées et des initiatives auxquelles nous pourrions choisir de résister à mesure que les sociétés continuent d'être perturbées et que se répand l'éco-autoritarisme. L'éco-liberté advienne que pourra. Le libre arbitre relatif existe, et il est nécessaire à toutes les formes de vie, aux écosystèmes et à l'évolution. Contrairement à certaines affirmations, les sciences naturelles n'ont pas prouvé le contraire et n'ont pas relégué les discussions sur le libre arbitre relatif au domaine de la croyance personnelle. Dans les sphères spirituelles, les conceptions non hiérarchiques d'une conscience unitaire peuvent également reconnaître la nature polycentrique du libre arbitre. Toute tentative de tirer de la nature des leçons pour l'humanité sera empreinte de notre partialité. Cependant, il est important de reconnaître cette dimension fondamentale de la vie à une époque où certains, certaines, basent leur philosophie politique sur l'idée que la nature n'est affaire que de relations et non de liberté. Nous savons aujourd'hui que des êtres humains à la pensée libre ont souvent entretenu des relations mutuellement positives avec la nature pendant des millénaires. Par conséquent, il faut admettre le caractère infondé de toute idée selon laquelle la liberté, les capacités ou la nature humaine seraient écologiquement délétères, et comprendre que ce genre de perspective nous mène à négliger des informations importantes alors que nous entrons dans une ère d'effondrement. Il s'agit notamment de comprendre l'aliénation des humains modernes dans un système de modernité impériale qui a été développée et maintenue au service du pouvoir de l'argent. Un environnementalisme explicitement épris de liberté est une réponse cohérente à cette situation. On peut le décrire sous le terme d'écolibertarisme. Cette approche vise à inviter un plus grand nombre de personnes à prendre conscience de leur chaîne intérieure et extérieure et à trouver des moyens de vivre dans l'écoliberté. Cependant, en poursuivant notre co-libération de la modernité impériale, nous serions mal avisés d'imaginer que nous réussirons à grande échelle et que nous obtiendrons un atterrissage plus doux pour les sociétés modernes, moins de dommages pour les autres sociétés qui en subissent déjà les impacts, ou de plus grandes chances pour que les humains et la vie sur Terre se perpétuent. Bien que chacun de ces objectifs soit souhaitable, nous avons dépassé le stade où nos actions peuvent encore dépendre de fantasmes de réussite à grande échelle. Au contraire, dans le chapitre suivant, je montrerai comment les écolibertaires agissent sur la base de valeurs qui s'incarnent à la fois dans les moyens et dans les fins de leurs actions, et non pas uniquement dans l'une ou l'autre dimension.